sont perdants, certes, ceux qui traitent de mensonge la rencontre d'Allah. Et quand soudain l'heure leur viendra, ils diront « Malheur à nous pour notre négligence à son égard !» Et ils porteront leur fardeau sur leur dos, et quel mauvais fardeau !